Le Théâtre Populaire Juin 44 présente, dans une production de Maurice Bertrand et une réalisation d'Evelyne Frémy, Le Roi se meurt, d'Eugène Ionesco, avec Christian Allers, le roi, Moni Dalmès, la reine Marguerite, Anne Doat, la reine Marie, Hubert de Laparan, le médecin, Florence Blot, la domestique, et Pierre Ferval, le garde. Bruitage, Louis Matabon. Monsieur Maurice Bertrand vous parle. Eugène Ionesco, dernier lauréat du Grand Prix littéraire de Monaco, appartient à ce groupe d'écrivains ayant représenté l'antithéâtre et celui de l'absurde. Pourtant, ils ont réussi à s'imposer comme des novateurs, car il y avait dans leur création des forces régénératrices d'un art dramatique qui, d'après eux, ne correspondait plus à un nouveau pouvoir d'expression. D'Eugène Ionesco, on connaît la cantatrice chauve, Amédée, les chaises, le rhinocéros et la soif et la faim qui furent représentées à la Comédie française. Le Roi se meurt est l'ouvrage le plus représentatif et la pièce la plus poétique de son théâtre. Tout imprégné du thème de la mort, le dramaturge a trouvé là une forme exacte qui lui a permis d'exprimer sa préoccupation constante comme elle demeure celle de l'humanité tout entière. Le Roi se meurt apparaît aujourd'hui comme un chef-d'œuvre du théâtre contemporain. L'action, a-t-on dit, à la grandeur de Shakespeare, autant que la cocasserie du théâtre de l'absurde. C'est donc qu'Ionesco a su créer quelque chose de plus sensible tout en restant lui-même. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, jeudi 12 juin à 14h10 sur France Culture, le Théâtre Populaire de Juin 44 présentera Lorenza, pièce en trois actes de M. Fernand Ferré, avec Dimanche, l'acte de M. Claude Roger Marx, que nous n'avons pu diffuser aujourd'hui, faute de temps. Sa Majesté le roi Béranger Ier. Vive le roi! Sa Majesté la reine Marguerite, première épouse du roi, suivie de Juliette, femme de ménage et infirmière de leur Majesté. Vive la reine! Sa Majesté la reine Marie, seconde épouse du roi, première dans son cœur, suivie de Juliette, femme de ménage et infirmière de leur majesté. Vive la reine! Sa sommité, monsieur le médecin du roi, chirurgien, bactériologue, bourreau et astrologue à la cour. Pourtant, c'est l'heure où il doit faire chaud. Chauffage, allume-toi. Rien à faire, ça ne marche pas. Chauffage, allume-toi. Le radiateur reste froid. Ce n'est pas ma faute. Il ne m'a pas dit qu'il me retirait la délégation du feu. Officiellement, du moins. Avec eux, on ne sait jamais. Vive la reine! Il y en a de la poussière. Il y a des mégots par terre. Je viens de l'étable pour traire la vache, Majesté. Elle n'a presque plus de lait. J'ai pas eu le temps de nettoyer le living room. Ceci n'est pas un living room, c'est la salle du trône. Combien de fois dois-je te le dire? Bon, la salle du trône, si Sa Majesté le veut. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer le living room. Il fait froid. J'ai essayé de faire du feu, Majesté. Ça ne fonctionne pas. Les radiateurs ne veulent rien entendre. Le ciel est couvert, les nuages n'ont pas l'air de vouloir se dissiper facilement. Le soleil est en retard. J'ai pourtant entendu le roi lui donner l'ordre d'apparaître. Tiens, le soleil n'écoute déjà plus. Et cette nuit, j'ai entendu un petit craquement. Il y a une fissure dans le mur. Déjà ? Ça va vite. Je ne m'y attendais pas pour tout de suite. J'ai essayé de la colmater avec Juliette. Elle m'a réveillée au milieu de la nuit. Je dormais si bien. Elle est apparue de nouveau. Faut-il essayer encore ? Ce n'est pas la peine. Elle est irréversible. Où est la reine Marie ? Elle doit être encore à sa toilette. Oh, bien sûr. Elle s'est réveillée avant l'aube. Ah, tout de même. Je l'ai entendue pleurer dans sa chambre. Faut rire ou pleurer, c'est tout ce qu'elle sait faire. Qu'elle vienne tout de suite aller me la chercher. Vive la reine ! Vous avez les yeux tout rouges, ma chère. Cela nuit à votre beauté. Je sais. Oh, ne recommencez pas à sangloter. J'ai du mal à m'en empêcher, hélas. Ne vous affolez pas, surtout. Ça ne servirait à rien. C'est bien dans la norme des choses, n'est-ce pas ? Vous vous y attendiez. Vous ne vous y attendiez plus ? Vous n'attendiez que cela. Heureusement. Ainsi, tout est au point. Oh, Juliette, donnez-lui donc un autre mouchoir. J'espérais toujours. C'est du temps perdu. Espérez, espérez. Ils n'ont que ça à la bouche et la larme à l'œil. Ah, oh, quelle mœurs. Avez-vous revu le médecin ? Que dit-il ? Ce que vous connaissez. Peut-être qu'il se trompe. Vous n'allez pas recommencer le coup de l'espoir. Les signes ne trompent pas. Peut-être les a-t-il mal lus ? Les signes objectifs ne trompent pas. Vous le savez. Cette fissure. Vous la voyez ? Il n'y a pas que cela. C'est votre faute s'il n'est pas préparé. C'est votre faute si cela va le surprendre. Vous l'avez laissé faire, vous l'avez même aidé à s'égarer. Ah, la douceur de vivre. Vos bals, vos amusettes, hein, vos cortèges, vos dîners d'honneur, vos artifices et vos feux d'artifice, les noces et vos voyages de noces. Combien de voyages de noces avez-vous fait ? C'était pour célébrer les anniversaires du mariage. Mais vous le célébriez 4 fois par an. Il faut bien vivre, disiez-vous. Il aime tellement les fêtes. Les hommes savent. Ils font comme s'ils ne savaient pas. Ils savent. Et ils oublient. Lui, il est roi. Lui, il ne doit pas oublier. Il devait avoir le regard dirigé en avant. Connaître les étapes. Connaître exactement la longueur de sa route. Voir l'arrivée. Mon pauvre chéri. Mon pauvre petit roi. Oh, donne-lui encore un mouchoir. Un peu de bonne humeur, voyons. Vous allez lui communiquer vos larmes. Cela s'attrape. Il est déjà assez faible comme cela. Cette influence détestable que vous avez eue sur lui. Enfin, il vous préférait à moi, hélas. Oh, je n'étais pas jalouse, pas du tout. Je me rendais compte simplement que ce n'était pas sage. Maintenant, vous ne pouvez plus rien pour lui. Et vous voilà toute baignée de larmes, et vous ne me tenez plus tête. Et votre regard ne me défie plus. Où donc ont disparu votre insolence ? Votre sourire ironique, vos moqueries. Mais allons, réveillez-vous. Prenez votre place. Tâchez de vous tenir bien droite. Tiens, vous avez toujours votre beau collier. Venez. Prenez donc votre place. Je ne pourrais pas lui dire. Je m'en chargerai. J'ai l'habitude des corvées. Ne le lui dites pas. Non, non, je vous en prie. Ne lui dites rien, je vous en supplie. Laissez-moi faire, je vous en supplie. Nous aurons cependant besoin de vous pour les étapes de la cérémonie. Vous aimez les cérémonies ? Pas celle-là. Oh, Juliette, arrangez donc nos traînes comme il faut. Oui, oui, Majesté. Ah, moins amusant, bien entendu, que vos bals d'enfants, que vos bals pour vieillards, vos bals pour jeunes mariés, vos bals pour rescapés, vos bals pour décorés. Vos bals pour femmes de lettres, vos bals pour organisateurs de bals et tant d'autres bals. Ce bal-ci se passera en famille, sans danseurs. Mais sans danse. Non, ne lui dites rien. Il vaut mieux qu'il ne s'en aperçoive pas. Et qu'il termine par une chanson. Non, cela n'est pas possible. Vous n'avez pas de cœur. Mais si. Mais si, il bat. Vous êtes inhumaine. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est terrible, il n'est pas préparé. C'est votre faute s'il ne l'est pas. Il était comme un de ces voyageurs qui s'attardent dans les auberges en oubliant que le but du voyage n'est pas l'auberge. Quand je vous rappelais qu'il fallait vivre avec la conscience de son destin, vous me disiez que j'étais un bas bleu et que c'était pompeux. C'est quand même pompeux. Au moins, qu'on le lui dise le plus doucement possible, puisque c'est inévitable. Avec déménagement. Avec beaucoup de ménagement. Il aurait dû être préparé depuis longtemps. Depuis toujours. Il aurait dû se le dire chaque jour. Que de temps perdu. Mais qu'est-ce que vous avez, vous, à nous regarder avec vos yeux égarés? Vous n'allez pas vous effondrer, vous aussi? Vous pouvez vous retirer. N'allez pas trop loin, on vous appellera. Alors vraiment, je ne balaye plus les vignerons. C'est trop tard, tant pis. Retirez-vous. Dites-le-lui doucement, je vous en prie. Prenez tout votre temps, il pourrait avoir un arrêt du cœur. Nous n'avons pas le temps de prendre notre temps. Fini de folâtrer, fini les loisirs, fini les beaux jours, fini les gueuletons. Fini votre striptease. Fini. Vous avez laissé les choses traîner jusqu'au dernier moment. Nous n'avons plus de moment à perdre. Évidemment, puisque c'est le dernier. Nous avons quelques instants pour faire ce qui aurait dû être fait pendant des années et des années. Quand il faudra me laisser seule avec lui, je vous le dirai. Vous avez encore un rôle à jouer, tranquillisez-vous. Après, je l'aiderai. Ce sera dur. Comme c'est dur. Aussi dur pour moi que pour vous, que pour lui. Ah, ne pleurnichez pas, je vous le répète, je vous le conseille. Je vous l'ordonne. Il refusera. Au début. Je le retiendrai. Il ne recule pas ou gare à vous. Il faut que cela se passe convenablement. Que ce soit une réussite. Un triomphe. Il y a longtemps qu'il n'en a plus eu. Son palais est en ruine, ses terres en friche. Ses montagnes s'affaissent, la mer a défoncé les digues, inondé le pays, il ne l'entretient plus. Vous lui avez tout fait oublier dans vos bras, dont je déteste le parfum. Oh, quel mauvais goût! Bref, c'était le sien. Au lieu de consolider le sol, il laisse des hectares et des hectares s'engloutir dans les précipices sans fond. Est-ce que vous êtes regardante? D'abord, on ne peut pas lutter contre les tremblements de terre. Est-ce que vous m'agacez? Il aurait pu consolider, planter des conifères dans les sables, cimenter les terrains menacés. Mais non. Maintenant, le royaume est plein de trous comme un immense gruyère. On ne pouvait rien contre la fatalité, contre les érosions naturelles. Mais sans parler de toutes ces guerres désastreuses. Pendant que ces soldats ivres dormaient la nuit ou après les copieux déjeuners des casernes, les voisins repoussaient les bornes des frontières. Le territoire national s'est rétréci. Ces soldats ne voulaient pas se battre. C'était des objecteurs de conscience. Ah, on les appelait chez nous des objecteurs de conscience. Dans les armées de nos vainqueurs, on les appelait des lâches, des déserteurs. Et on les fusillait. Vous voyez le résultat? Des gouffres vertigineux, des villes rasées, des piscines incendiées, des bistrots désaffectés. Les jeunes s'expatrient en masse. Au début de son règne, il y avait 9 milliards d'habitants. Ils étaient trop nombreux. Il n'y avait plus de place. Maintenant, il ne reste plus qu'un millier de vieillards. Moins, ils trépassent pendant que je vous parle. Il y a aussi 45 jeunes gens. Ceux dont on n'a pas voulu ailleurs. On n'en voulait pas non plus. On nous les a renvoyés de force. D'ailleurs, ils vieillissent très vite. Rapatriés à 25 ans, ils en ont 80 au bout de deux jours. N'allez pas prétendre qu'ils vieillissent normalement. Mais le roi, lui, est encore tout jeune. Il l'était hier. Il l'était cette nuit. Vous allez voir tout à l'heure. Voici sa sommité, le médecin qui revient. Sa sommité! Sa sommité! Bonjour, Majesté. Bonjour, Majesté. Que vos majestés m'excusent, je suis un peu en retard. Je viens directement de l'hôpital où j'ai dû faire quelques interventions chirurgicales du plus haut intérêt pour la science. Le roi n'est pas opérable. En effet, il ne l'est plus. Je sais. Pas sa majesté. Docteur, est-ce qu'il y a du nouveau? Cela va peut-être mieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Une amélioration n'est pas impossible. C'est une situation type qui ne peut changer. C'est vrai. Pas d'espoir. Pas d'espoir. Elle ne veut pas que j'espère, elle me l'interdit. Beaucoup de gens ont la folie des grandeurs, vous avez une folie de la petitesse. On n'a jamais vu une reine pareille, vous me faites honte. Elle va encore pleurer. En vérité, il y a tout de même du nouveau, si vous voulez. Quel nouveau? Du nouveau qui ne fait que confirmer les indications précédentes. Mars et Saturne sont entrés en collision. On s'y attendait. Les deux planètes ont éclaté. Non, c'est logique. Le Soleil a perdu entre 50 et 75% de sa force. Cela va de soi. Il tombe de la neige au pôle nord du Soleil. La Voie lactée a l'air de s'agglutiner. La comète est épuisée de fatigue, elle a vieilli, elle s'entoure de sa queue, s'enroule sur elle-même comme un chien moribond. Ce n'est pas vrai, vous exagérez. Si, si, vous exagérez. Vous voulez voir dans la lunette. Ce n'est pas la peine, on vous croit. Quoi d'autre? Le printemps, qui était encore là hier soir, nous a quittés il y a 2h30. Voici novembre. Au-delà des frontières, l'herbe s'est mise à pousser. Là-bas, les arbres reverdissent. Toutes les vaches mettent bas 2 veaux par jour, un le matin, un second l'après-midi vers 5h, 5h15. Chez nous, les feuilles se sont desséchées, elles se décrochent. Les arbres soupirent et meurent, la terre se fend encore plus que d'habitude. L'Institut météorologique du royaume nous fait remarquer que le temps est mauvais. J'entends la terre qui se fend. J'entends, oui. Hélas, j'entends. C'est la fissure qui s'élargit. Et se propage. La foudre s'immobilise dans le ciel, les nuages pleuvent des grenouilles, le tonnerre gronde. Mais on ne l'entend pas, car il est muet. 25 habitants se sont liquéfiés, 12 ont perdu leur tête, décapités, cette fois sans mon intervention. Ce sont bien les signes. D'autre part... Ne continuez pas, cela suffit. C'est ce qui arrive toujours en pareil cas, nous connaissons. Sa Majesté le Roi! Attention, Sa Majesté, vive le roi! Où a-t-il semé ses pantoufles? Sire, les voici. Quelle mauvaise habitude de marcher pieds nus. Mais mettez-lui ses pantoufles plus vite, Juliette, il va attraper froid. Il attrape froid ou non, cela n'a pas d'importance. C'est tout simplement une mauvaise habitude. Je me permets de souhaiter le bonjour à votre majesté, ainsi que mes meilleurs vœux. Ce n'est plus qu'une formule creuse. Bonjour Marie, bonjour Marguerite. Toujours là? Je veux dire, tu es déjà là? Comment ça va? Moi, ça ne va pas. Je sais pas très bien ce que j'ai, mes membres sont un peu engourdis, j'ai eu du mal à me lever, j'ai mal aux pieds. Je vais changer de pantoufle. J'ai peut-être grandi, j'ai mal dormi, cette terre qui craque, ces frontières qui reculent, ce bétail qui beugle, ces sirènes qui hurlent, il y a vraiment trop de bruit. Il faudra tout de même que j'y mette bon ordre. On va tâcher d'arranger cela. Oui, oh, mes côtes. Bonjour, docteur. Ai-je un lombago? J'attends un ingénieur. Étranger. Les nôtres ne valent plus rien. Cela leur est égal. D'ailleurs, nous n'en avons pas. Pourquoi a-t-on fermé l'école polytechnique? Ah, bah oui, oui. Elle est tombée dans le trou. Pourquoi en bâtir d'autres puisqu'elle tombe dans le trou toutes? J'ai mal à la tête par-dessus le marché. Et ces nuages. J'avais interdit les nuages! Nuages, assez de pluie! Je dis assez! Assez de pluie! Je dis assez! Ah, tout de même. Il recommence! Ah, idiot de nuage! Il n'en finit plus, celui-là, avec ses gouttes à retardement. On dirait un vieux pisseux. Ah ben, Juliette, qu'as-tu à me regarder? Tu es bien rouge aujourd'hui. C'est plein de toiles d'araignées dans ma chambre à coucher. Allez, va donc les nettoyer. Je les ai enlevées toutes pendant que votre majesté dormait encore. Je ne sais d'où ça vient, elle n'arrête pas de repousser. Vous voyez, majesté, cela se confirme de plus en plus. Qu'est-ce que tu as, ma beauté? Je ne sais pas. Oh, rien, je n'ai rien. Tu as les yeux cernés, tu as pleuré, pourquoi? Mon Dieu. Je défends qu'on lui fasse de la peine. Et pourquoi dit-elle mon Dieu? C'est une expression. Juliette, va nettoyer de nouveau les toiles d'araignée. Ah oui, ces toiles d'araignée, c'est dégoûtant, ça donne des cauchemars. Dépêchez-vous, ne traînez pas. Vous ne savez plus vous servir d'un balai? Le mien est tout usé. Il m'en faudrait un 9. Oh, il m'en faudrait même 12. Et qu'avez-vous tous à me regarder ainsi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Il n'y a plus rien d'anormal. Puisque l'anormal est devenu habituel. Hein? Si, tout s'arrange. Mon roi, vous boitez. Je boite? Je ne boite pas. Je boite un peu. Vous avez mal, je vais vous soutenir. Je n'ai pas mal. Pourquoi aurais-je mal? Si, un tout petit peu. Je n'ai rien. Je n'ai pas besoin d'être soutenu. Pourtant, j'aime que tu me soutiennes. Sire, je dois vous mettre au courant. Non, taisez-vous. Taisez-vous. Ce n'est pas vrai ce qu'elle dit. Au courant de quoi? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Marie, pourquoi cet air désolé? Que vous arrive-t-il? Sire. On doit vous annoncer que vous allez mourir. Hélas, oui, majesté. Mais je le sais, bien sûr, nous le savons tous. Vous me le rappellerez quand il sera temps. Quelle manie avez-vous, Marguerite, de m'entretenir de choses désagréables dès le lever du soleil? Il est déjà midi. Il n'est pas midi. Ah si, il est midi. Ça ne fait rien pour moi, c'est le matin. Je n'ai encore rien mangé, que l'on m'apporte mon breakfast. À vrai dire, je n'ai pas trop faim. Docteur, il faudra que vous me donniez des pilules pour réveiller mon appétit et dégourdir mon foie. Je dois avoir la langue saburale, n'est-ce pas? En effet, Majesté. Mon foie s'encrasse. J'ai rien bu hier soir, pourtant j'ai un mauvais goût dans la bouche. Majesté, la reine Marguerite dit la vérité. Vous allez mourir. Encore? Vous m'ennuyez! Je mourrai, oui, je mourrai. Dans 40 ans, dans 50 ans, dans 300 ans, plus tard. Quand je voudrai, quand j'aurai le temps, quand je le déciderai. Et en attendant, occupons-nous des affaires du royaume. J'ai attrapé froid dans ce palais mal chauffé, avec ses carreaux cassés qui laissent entrer la tempête et les courants d'air. A-t-on remplacé sur le toit les tuiles que le vent avait arrachées? On ne travaille plus. Il faudra que je m'en occupe moi-même. Mais j'ai eu d'autres choses à faire. On ne peut compter sur personne. Non, non, non, laissez, j'arriverai. Ce sceptre peut encore servir. Mais non, mais non, mais non, je peux. Ça y est. Ouf. Il est devenu bien dur, ce trône. On devrait le faire embourrer. Comment se porte le pays ce matin? Ce qu'il en reste. Ce sont encore de beaux restes. De toute façon, il faut s'en occuper. Cela vous changera les idées. Qu'on fasse venir les ministres. Juliette, allez chercher les ministres. Ils sont sans doute encore en train de dormir. Ils s'imaginent qu'il n'y a plus de travail. Ils sont partis en vacances. Pas bien loin, puisque les terres se sont raccourcies et rabougries. Ils sont à l'autre bout du royaume, c'est-à-dire à trois pas, au coin du bois, au bord du ruisseau. Ils font la pêche. Ils espèrent avoir un peu de poisson pour nourrir la population. Va les chercher au coin du bois. Ils ne viendront pas, ils sont en congé. J'y vais quand même. Quelle indiscipline! Oh, ils sont tombés dans leur ruisseau. Essaie de les repêcher. Si j'avais deux autres spécialistes du gouvernement dans le pays, je les remplacerais. On en trouvera d'autres. On n'en trouvera plus, Majesté. Vous n'en trouverez plus, Béranger. Si, parmi les enfants des écoles, lorsqu'ils seront grands. Il faut attendre un peu. Une fois repêchés, ces deux-là pourront bien gérer les affaires courantes. À l'école, il n'y a plus que quelques enfants goitreux, débiles mentaux congénitaux, des mongoloïdes, des hydrocéphales. La race n'est pas très bien portante, en effet. Tâchez de les guérir, docteur, ou de les améliorer un peu, qu'ils apprennent au moins les 4-5 premières lettres de l'alphabet. Autrefois, on les tuait. Sa Majesté ne pourrait plus se le permettre. Il n'y aurait plus de sujet. Mais qu'on en fasse quelque chose! On ne peut plus rien améliorer. On ne peut plus guérir personne. Vous-même, vous ne pouvez plus guérir. Sire, vous ne pouvez plus guérir. Je ne suis pas malade. Il se sent bien, n'est-ce pas? Tout au plus quelques courbatures. C'est rien. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Il dit que ça va bien. Vous voyez? Vous voyez? Ça va même très bien. Tu vas mourir dans une heure et demie. Tu vas mourir à la fin du spectacle. Que dites-vous, ma chère? C'est pas drôle. Tu vas mourir à la fin du spectacle. Mon Dieu. Oui, sire, vous allez mourir. Vous n'aurez pas votre petit déjeuner demain matin. Pas de dîner ce soir non plus. Le cuisinier a éteint le gaz. Il rend son tablier. Il range pour l'éternité les nappes et les serviettes dans le placard. Ne dites pas si vite. Ne dites pas si fort. Qui donc a pu donner des ordres pareils sans mon consentement? Je me porte bien! Vous vous moquez? Mensonge! Marguerite, tu as toujours voulu ma mort. Elle a toujours voulu ma mort. Marguerite, je mourrai quand je voudrai. Je suis le roi, c'est moi qui décide. Vous avez perdu le pouvoir de décider seule, Majesté. Ne peut même plus t'empêcher d'être malade. Je ne suis pas malade! N'as-tu pas dit que je ne suis pas malade? Je suis toujours beau. Et tes douleurs? Je n'en ai plus. Bouge un peu, tu verras bien. C'est parce que je ne me suis pas mis dans la tête de ne pas avoir mal. Je n'ai pas eu le temps d'y penser. J'y pense et je guéris. Le roi se guérit lui-même. Mais j'étais trop préoccupé par les affaires du royaume. Dans quel état il est, ton royaume? Tu ne peux plus le gouverner. Tu t'en aperçois toi-même, tu ne veux pas te l'avouer. Tu n'as plus de pouvoir sur toi, plus de pouvoir sur les éléments. Tu ne peux plus empêcher les dégradations, tu n'as plus de pouvoir sur nous. Tu auras toujours du pouvoir sur moi. Pas même sur vous. On ne peut plus empêcher les ministres. Le ruisseau dans lequel ils sont tombés a coulé dans l'abîme avec les berges et les saules qu'ils bordaient. Je comprends, c'est un complot. Vous voulez que j'abdique? Cela vaudrait mieux. Abdique volontairement. Abdiquer, sire, cela vaut mieux. Que j'abdique ? Oui, abdique moralement, administrativement. Et physiquement. Ne donne pas ton consentement, ne les écoute pas. Ils sont fous, ou bien ce sont des traîtres. Sire, pauvre sire, sire, pauvre sire. Il faut les arrêter. Garde, arrête-les. Garde, arrête-les. C'est cela, donne des ordres. Arrête-les tous! Enferme-les dans la tour! Non, la tour s'est écroulée. Emmène-les, enferme-les à clé dans la cave, dans les oubliettes ou dans le clapier. Arrête-les tous! J'ordonne! Arrête-les! Au nom de sa majesté, je vous arrête! Mais bouge donc, garde! C'est lui qui s'arrête. Fais-le, mais fais-le, garde! Tu vois, il ne peut plus bouger. Il a la goutte. Des rhumatismes. Sire, l'armée est paralysée. Un virus inconnu s'est introduit dans son cerveau et sabote les postes de commande. Ce sont tes propres ordres, Majesté. Tu le vois bien qu'il paralyse. Ne la crois pas. Elle veut t'hypnotiser. C'est un problème de volonté. Entraîne tout dans ta volonté. Je vous... Au nom du roi, je vous... Qu'est-ce qui te prend ? Parle, avance ! Te crois-tu une statue ? Ne pose pas de questions, ne discute pas, ordonne. Emporte-le dans le tourbillon de ta volonté. Il ne peut plus remuer, vous voyez, Majesté. Il ne peut plus parler, il est pétrifié. Il ne vous écoute plus. C'est un symptôme caractéristique. Médicalement, c'est très net. Nous verrons bien si je n'ai plus de pouvoir. Prouve que tu en as. Tu peux si tu veux. Je prouve que je veux, je prouve que je peux. D'abord, lève-toi. Je me lève. Oh. Tu vois comme c'est simple. Vous voyez comme c'est simple. Vous êtes des farceurs, des conjurés, des bolcheviques. Oh, non, non, Marie, non, non. Tout seul, puisque je peux tout seul. Oh. Oh. Je me relève tout seul. Vive le roi! Oh. Le roi s'en meurt. Vive le roi! Vive le roi! Oh. Le roi est mort. Vive le roi! Vive le roi! Quelle comédie! Oh. Vive le roi! Le roi se meurt. Non, vive le roi! Relève-toi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vous voyez bien? Cela va mieux. C'est le mieux de la fin, n'est-ce pas, docteur? Oui, c'est évident. Ce n'est que le mieux de la fin. J'avais glissé, tout simplement. Ça peut arriver, cela arrive. Ma couronne. Oh. Oh là. C'est mauvais signe. N'y crois pas. Oh. Mon sceptre. C'est mauvais signe. N'y crois pas. Tiens-le bien dans ta main. Ferme le poing. Vive, vive. Majesté. Il faut la calmer, celle-là. Elle prend la parole à tort et à travers. Elle ne doit plus parler sans notre permission. Essayez maintenant de lui faire comprendre. Majesté, il y a des dizaines d'années, ou bien il y a 3 jours, votre empire était florissant. En 3 jours, vous avez perdu les guerres que vous aviez gagnées. Celles que vous aviez perdues, vous les avez reperdues. Depuis que les récoltes ont pourri et que le désert a envahi notre continent, la végétation est allée reverdir les pays voisins qui étaient déserts jeudi dernier. Les fusées que vous voulez envoyer ne partent plus, ou bien elles décrochent, retombent avec un bruit mouillé. Accident technique. Autrefois, il n'y en avait pas. Fini la réussite. Tu dois t'en rendre compte. Vos douleurs, courbatures... Je n'en avais jamais eu. C'est la première fois. Justement, là est le signe. C'est bien venu tout d'un coup, n'est-ce pas? Tu devais t'y attendre. Cela est venu tout d'un coup. Vous n'êtes plus maître de vous-même. Vous le constatez, sire. Soyez lucide. Allons, un peu de courage. Je me suis relevé. Vous mentez, je me suis relevé. Vous avez très mal et vous ne pourrez pas faire un nouvel effort. Bien sûr, ça ne va pas durer longtemps. Peux-tu encore faire quelque chose? Peux-tu donner un ordre qui soit suivi? Peux-tu changer quelque chose? Tu n'as qu'à essayer. C'est parce que je n'avais pas mis toute ma volonté que cela s'est délabré. Simple négligence. Tout cela s'arrangera, tout sera réparé, remis à neuf. On verra bien ce que je peux faire. Garde, bouge, approche. Il ne peut pas. Il ne peut plus obéir qu'aux autres. Garde, fais 2 pas. Garde, recule. Que la tête du garde tombe! Que la tête du garde tombe! Ah, sa tête va tomber! Sa tête va tomber! Non, elle est branlante seulement. Pas plus qu'avant. Que la tête du médecin tombe! Qu'elle tombe tout de suite! Allons, allons! Jamais la tête du médecin n'a mieux tenu sur ses épaules. Jamais elle n'a été plus solide. Je m'en excuse, sire, vous m'envoyez tout confus. Que la couronne de Marguerite tombe à terre! Que sa couronne tombe! Oh, ma couronne. Je vais te la remettre, va. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Comment échappez-vous à mon pouvoir? Ne pensez pas que ça va continuer. Je trouverai bien la cause de ce désordre. Il doit y avoir quelque chose de rouillé dans le mécanisme et les enchaînements subtils. Marie, tu peux parler maintenant. Nous te le permettons. Dis-moi de faire quelque chose. Je le ferai. Donne-moi un ordre. Ordonne, sire. Ordonne, je t'obéis. Elle pense que ce qu'elle appelle l'amour peut réussir l'impossible. Superstition sentimentale. Les choses ont changé, il n'en est plus question. Nous sommes déjà au-delà de cela. Déjà au-delà. Ordonne, mon roi. Ordonne, mon amour. Regarde comme je suis belle. Je sens bon. Ordonnez que je vienne vers vous, que je vous embrasse. Viens vers moi. Embrasse-moi. Entends-tu? Mais oui, je vous entends. Je le ferai. Viens vers moi. Je voudrais bien. Je vais le faire. Je vais le faire. Mes bras retombent. Alors, danse. Danse. Alors au moins, tourne-toi, va vers la fenêtre. Ouvre-la et referme. Je ne peux pas. Tu as sans doute un torticolis. Tu as certainement un torticolis. Avance vers moi. Oui, sire. Avance vers moi en souriant. Oui, sire. Fais-le donc! Je ne sais plus comment faire pour marcher. J'ai oublié subitement. Fais quelques pas vers lui. Vous voyez? Elle avance! C'est moi qu'elle a écouté. Arrête, Marie. Arrête-toi. Pardonnez-moi, Majesté. Ce n'est pas ma faute. Te faut-il d'autres preuves? J'ordonne! Que des arbres poussent du plancher. J'ordonne que le toit disparaisse. Quoi? Rien? J'ordonne qu'il y ait de la pluie. J'ordonne qu'il y ait la foudre et que je la tienne dans ma main. J'ordonne que les feuilles repoussent. Quoi? Rien? J'ordonne que Juliette entre par la grande porte. Non, pas par celle-là, par celle-ci. Sors par cette porte. J'ordonne que tu restes. J'ordonne qu'on entende des clairons. J'ordonne que les cloches sonnent. J'ordonne que 121 coups de canon se fassent entendre en mon honneur. Ah, si, j'entends quelque chose. Ce n'est que le bourdonnement de vos oreilles, Majesté. Ne sais plus. Tu te rends ridicule. Ne te fatigue pas trop, mon petit Juan. Ne désespère pas. Tu es plein de sueur. Repose-toi un peu. Nous allons recommencer tout à l'heure. Nous réussirons dans une heure. Tu vas mourir dans 1h25. Oui, sire. Dans 1h24:50. Marie! Dans 1h24:41. Prépare-toi. Ne cède pas. N'essaie plus de le distraire. Ne lui tends pas les bras. Il est déjà sur la pente. Tu ne peux plus le retenir. Le programme sera exécuté point par point. La cérémonie commence! Que le temps retourne sur ses pas! Que nous soyons il y a 20 ans! Que nous soyons la semaine dernière! Que nous soyons hier soir! Temps retourne! Temps retourne! Temps, arrête-toi! Il n'y a plus de temps! Le temps a fondu dans sa main! En regardant par la lunette qui voit au-delà des murs et des toits, on aperçoit un vide dans le ciel, à la place de la constellation royale. Sur les registres de l'univers, sa majesté est portée défunte. Le roi est mort! Vive le roi! Idiot! Tu ferais mieux de te taire. En effet, il est bien plus mort que vif. Non, je ne veux pas mourir. Je vous en prie, ne me laissez pas mourir. Soyez gentil, ne me laissez pas mourir. Je veux pas. Que faire pour lui donner la force de résister? Moi-même, je faiblis. Ils ne me croient plus. Ils ne croient plus qu'eux. Espère tout de même. Espère encore. Oh, ne l'embrouille pas. Tu ne lui fais plus que du tort. Je ne veux pas. Je ne veux pas. La crise était prévue. Elle est tout à fait normale. Déjà, la première défense est entamée. Mais la crise passera. Le roi passe. Nous regretterons beaucoup votre majesté. On le dira, c'est promis. Je ne veux pas mourir. Hélas, ses cheveux ont blanchi tout d'un coup. Les rides s'accumulent sur son front, sur son visage. Il a vieilli soudain de 14 siècles. Si vite démodé. Les rois devraient être immortels. Ils ont une immortalité provisoire. On m'avait promis que je ne mourrais que lorsque je l'aurais décidé moi-même. C'est parce qu'on pensait que tu déciderais plus tôt. Tu as pris goût à l'autorité. Il faut que tu te décides de force. Tu t'es enlisé dans la boue tiède des vivants. Maintenant, tu vas geler. On m'a trompé. On aurait dû me prévenir. On m'a trompé. Je t'avais prévenu. Tu m'avais prévenu trop tôt. Tu m'avertis trop tard. Je ne veux pas mourir. Je ne voudrais pas. Qu'on me sauve, puisque je ne peux plus le faire moi-même. C'est ta faute si tu es prise au dépourvu. Tu aurais dû t'y préparer. Tu n'as jamais eu le temps. Tu étais condamnée, il fallait y penser dès le premier jour. Et puis tous les jours. 5 minutes tous les jours, c'était pas beaucoup. 5 minutes tous les jours. Puis 10 minutes, 1/4 d'heure, 1/2 heure. C'est ainsi que l'on s'entraîne. J'y avais pensé. Jamais sérieusement. Jamais profondément. Jamais de tout ton être. Il vivait. Trop. Tu aurais dû garder cela comme une pensée permanente en arrière-fond de toutes tes pensées. Il n'a jamais été prévoyant. Il a vécu au jour le jour comme n'importe qui. Tu t'accordais des délais. À 20 ans, tu disais que tu attendrais la 40e année pour commencer l'entraînement. À 40 ans, j'étais tu... J'étais en si bonne santé. J'étais si jeune. À 40 ans, tu t'es proposé d'attendre jusqu'à 50 ans. À 50 ans... J'étais plein de vie. Comme j'étais plein de vie. À 50 ans, tu voulais attendre la 60aine. Tu as eu 60 ans. 90 ans, 125 ans, 200 ans, 400 ans. Tu n'ajournais plus les préparatifs pour dans 10 ans, mais pour dans 50 ans. Puis tu as remis cela de siècle en siècle. J'avais justement l'intention de commencer. Ah, si je pouvais avoir un siècle devant moi, peut-être aurais-je le temps. Il ne vous reste qu'un peu plus d'une heure, sire. Il faut tout faire en une heure. Il n'aura pas le temps, ce n'est pas possible. Il faut lui donner du temps. C'est cela qui est impossible, mais en une heure... Il a tout son temps. Une heure bien remplie vaut mieux que des siècles et des siècles d'oubli et de négligence. 5 minutes suffisent. 10 secondes conscientes. On lui donne une heure. 60 minutes. 3 600 secondes. Il a de la chance. Il a flâné sur les routes. Nous avons régné. Il a travaillé. Des travaux d'Hercule. Oh, du bricolage. Pauvre majesté, pauvre sire, il a fait l'école buissonnière. Je suis comme un écolier qui se présente à l'examen sans avoir fait ses devoirs, sans avoir... Préparer sa leçon. Ne t'inquiète pas. Comme un comédien qui ne connaît pas son rôle le soir de la première et qui a des trous, des trous, des trous. Comme un orateur qu'on pousse à la tribune, qui ne connaît pas le premier mot de son discours, qui ne sait même pas à qui il s'adresse. Je ne connais pas ce public. Je ne veux pas le connaître. Je n'ai rien à lui dire. Oh, dans quel état suis-je? Le roi fait allusion à son état. Dans quelle ignorance. Il voudrait encore faire l'école buissonnière pendant plusieurs siècles. J'aimerais redoubler. Tu passeras l'examen. Il n'y a pas de redoublant. Vous n'y pouvez rien, majesté. Et nous n'y pouvons rien. Nous ne sommes que les représentants de la médecine qui ne fait pas de miracles. Le peuple est-il au courant? L'avez-vous averti? Je veux que tout le monde sache que le roi va mourir. Oh! Oh! Oh, braves gens, je vais mourir! Écoutez-moi! Votre roi va mourir! Mais il ne faut pas qu'on entende, empêchez-le de crier! Ne touchez pas au roi! Je veux que tout le monde sache que je vais mourir! C'est un scandale! Peuple! Je dois mourir! Mais ce n'est plus un roi, c'est un porc qu'on égorge! Ce n'est qu'un roi, ce n'est qu'un homme! Majesté! Songez à la mort de Louis XIV, à celle de Philippe II, à celle de Charles Quint, qui a dormi pendant 20 ans dans son cercueil. Le devoir de votre majesté est de mourir dignement. Mourir dignement? Au secours! Votre roi va mourir! Pauvre roi, mon pauvre roi. Ça ne sert à rien de crier. Le roi va mourir! Vous entendez? Moi, j'entends. J'entends. Oh, on me répond. Oh, on va peut-être me sauver. Il n'y a personne. Ce n'est rien d'autre que l'écho qui répond avec retardement. Le retardement habituel dans ce royaume où tout fonctionne si mal. Ce n'est pas possible! J'ai peur! Ce n'est pas possible! Mais il s'imagine qu'il est le premier à mourir. Tout le monde est le premier à mourir. Et c'est bien pénible. Il pleure comme n'importe qui. Sa frayeur ne lui inspire que des banalités. J'espérais qu'il aurait eu de belles phrases exemplaires. Bon, je vous charge de la chronique. Nous lui prêterons les belles paroles des autres. Nous en inventerons au besoin. Nous lui prêterons des sentences édifiantes. Nous soignerons sa légende. Nous soignerons votre légende, Majesté. Peuple au secours! Peuple au secours! Vas-tu finir, Majesté? Tu te fatigues en vain. Qui veut me donner sa vie? Qui veut donner sa vie au roi? Sa vie au bon roi? Sa vie au pauvre roi? Indécent. Qu'il tente toutes ses chances, même les plus improbables. Puisqu'il n'y a personne dans le pays. Il y a les espions. Il y a les oreilles ennemies qui guettent aux frontières. Oh, sa peur va nous couvrir tous de honte. L'écho ne répond plus. Sa voix ne porte plus. Il a beau crier, sa voix s'arrête. Elle ne va même pas jusqu'à la clôture du jardin. Oh, il beugle. Il n'y a plus que nous qui l'entendions. Lui-même ne s'entend plus. J'ai froid. J'ai peur. Je pleure. Ses membres s'engourdissent. Il est perclus de rhumatisme. Une piqûre pour le calmer. Non, Marguerite, non, je ne veux pas de piqûre. Pas de piqûre. Non, je sais ce que cela veut dire, j'en ai fait faire. Je ne vous ai pas dit d'apporter ce fauteuil, Juliette. Je veux me promener, je veux prendre l'air. Assieds-toi dans ce fauteuil. Tu vas tomber. Ah, oh, Seigneur. Je n'accepte pas. Non, je veux rester debout. Vous seriez mieux, sire, plus confortable avec une couverture sur les genoux et une bouillotte. Non, je veux rester debout. Je veux hurler. Je veux hurler. Sa Majesté, hurle. Il ne va pas hurler longtemps. Je connais le processus. Il va se fatiguer. Il s'arrêtera. Il nous écoutera. Une couverture, sire. Non, je vous défends. Alors, assieds-toi, vite, assieds-toi. Oh, je n'obéis pas. Non, je tombe malgré moi. Juliette, prends son sceptre, il est trop lourd. Non, je ne veux pas de ce bonnet. C'est une couronne moins lourde. Laisse-moi mon sceptre. Mais tu n'as plus la force de le tenir. Oh, plus la peine de vous appuyer dessus. On vous portera, on vous roulera dans le fauteuil. Je veux le garder. Laisse-lui le sceptre, puisqu'il le désire. Ouf, après tout, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est peut-être pas vrai. Dites-moi que c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Il y a peut-être une chance sur 10, une chance sur 1000. Bon, je gagnais souvent à la loterie. Majesté. Et on ne peut plus vous écouter, j'ai trop peur. Tu dois écouter, sire. Je ne veux pas de vos paroles. Elles me font peur, je n'ai plus entendu parler. Marie, Marie, n'approche pas, toi non plus. Ta pitié me fait peur. Il est comme un petit enfant. Il est redevenu un petit enfant. Petit enfant barbu, ridé, moche. Vous êtes indulgente. Vous ne vous mettez pas à sa place. Parlez-moi, au contraire, parlez. Entourez-moi, retenez-moi. Qu'on me soutienne. Oh non, non, non, je veux fuir. Oh. Ses jambes ne le portent plus. J'ai du mal aussi à bouger mes bras. Oh. Est-ce que cela commence? Oh non. Pourquoi suis-je né si ce n'était pas pour toujours? Maudits parents! Oh, quelle drôle d'idée, quelle bonne blague! Je suis venu au monde il y a 5 minutes, je me suis marié il y a 3 minutes. Ça fait 283 ans. Je suis monté sur le trône il y a 2 minutes et demie. Il y a 277 ans et 3 mois. Oh, eu le temps de dire ouf, j'ai pas eu le temps de connaître la vie. Il n'a fait aucun effort pour cela. Ce ne fut qu'une courte promenade dans une allée fleurie. Une promesse non tenue. Un sourire qui s'est refermé. Il y avait pourtant les plus grands savants pour lui expliquer. Et des théologiens, et des personnes d'expérience, et des livres qu'il n'a jamais lus. J'ai pas eu le temps. Tu disais que tu avais tout ton temps. Je n'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Il remet ça, c'est tout le temps la même chose. Ça va plutôt mieux. Il gémit, il pleure, mais il commence tout de même à raisonner. Il se plaint, il s'exprime, il proteste. Cela veut dire qu'il commence à se résigner. Je me résignerai jamais. Puisqu'il dit qu'il ne le veut pas, c'est un signe qu'il va se résigner. Il met la résignation en question, il se pose le problème. Enfin. Majesté, vous avez fait 180 fois la guerre. À la tête de vos armées, vous avez participé à 2000 batailles. D'abord sur un cheval blanc, avec un panache rouge et blanc, très voyant, et vous n'avez pas eu peur. Ensuite, quand vous avez modernisé l'armée debout sur un tank ou sur l'aile de l'avion de chasse, en tête de la formation. C'était un héros. Vous avez frôlé 1000 fois la mort. Je la frôlais seulement. Elle n'était pas pour moi, je le sentais. Tu étais un héros, entends-tu? Souviens-toi. Tu as fait assassiner par ce médecin et bourreau, ici présent. Exécuté, non pas assassiné. Exécuté, majesté, non pas assassiné. Ah. Oui, j'obéissais aux ordres. J'étais un simple instrument, un exécutant plutôt qu'un exécuteur. Et je le faisais euthanasiquement. D'ailleurs, je le regrette. Pardon. Je dis, tu as fait massacrer mes parents, tes frères rivaux, nos cousins et arrière-petits-cousins, leurs familles, leurs amis, leur bétail. Tu as fait incendier leurs terres. Sa majesté disait que de toute façon, ils allaient mourir un jour. C'était pour des raisons d'État. Tu meurs aussi pour une raison d'État? Mais l'État, c'est moi. Le malheureux, dans quel État? Il était la loi, au-dessus des lois. Je ne suis plus la loi. Il l'admet, c'est de mieux en mieux. Ça facilite la chose. Je ne suis plus au-dessus des lois. Je ne suis plus au-dessus des lois. Le roi n'est plus au-dessus des lois. Il n'est plus au-dessus des lois, pauvre vieux. Il est comme nous, on dirait mon grand-père. Pauvre petit, mon pauvre enfant. Un enfant, un enfant. Alors, je recommence? Je veux recommencer. Je veux être un bébé, tu seras ma mère. Hein? Alors, on ne viendra pas me chercher. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne sais pas compter. Hein? Qu'on me mène à l'école avec des petits camarades. Combien font 2 et 2? 2 et 2 font 4. Tu le sais. C'est elle qui a soufflé. Hélas, on ne peut pas tricher. Hélas, hélas, tant de gens naissent en ce moment. Des naissances innombrables dans le monde entier. Pas dans notre pays. La natalité est réduite à zéro. Pas une salade ne pousse, pas une herbe. La stérilité absolue, à cause de toi. Je ne veux pas qu'on l'accable. Tout repoussera peut-être. Quand il aura accepté. Sans lui. Sans moi. Sans moi. Ils vont rire. Ils vont bouffer, ils vont danser sur ma tombe. J'aurais jamais existé. Oh, oh, oh, qu'on se souvienne de moi. Que l'on pleure, que l'on désespère, que l'on perpétue ma mémoire dans tous les manuels d'histoire. Que tout le monde connaisse ma vie par cœur. Que tous la revivent. Que les écoliers et les savants n'aient pas d'autre sujet d'étude que moi, mon royaume, mes exploits. Qu'on brûle tous les autres livres. Qu'on détruise toutes les statues. Qu'on mette la mienne sur toutes les places publiques. Mon image dans tous les ministères, dans les bureaux de toutes les sous-préfectures, chez les contrôleurs fiscaux, dans les hôpitaux, qu'on donne mon nom à tous les avions, à tous les vaisseaux, aux voitures à bras et à vapeur. Que tous les autres rois, les guerriers, les poètes, les ténors, les philosophes soient oubliés. Et qu'il n'y ait plus que moi, moi dans toutes les consciences. Un seul nom de baptême, un seul nom de famille pour tout le monde. Que l'on apprenne à lire en épelant mon nom, Béranger. Que je sois sur les icônes, que je sois sur les millions de croix dans toutes les églises. Que l'on dise des messes pour moi, que je sois l'hostie. Que toutes les fenêtres éclairées aient la couleur et la forme de mes yeux, que les fleuves dessinent dans les plaines le profil de mon visage, que l'on m'appelle éternellement, qu'on me supplie, que l'on m'implore. Peut-être reviendras-tu? Peut-être reviendrai-je. Que l'on garde mon corps intact dans un palais sur un trône, que l'on m'apporte des nourritures, que des musiciens jouent pour moi. Que des vierges se roulent à mes pieds, refroidies. C'est le délire, madame. Sa majesté le roi délire. Pas encore. Il est encore trop sensé. À la fois trop et pas assez. Si telle est votre volonté, on embaumera votre corps, on le conservera. Tant qu'on pourra. Horreur! Je ne veux pas qu'on m'embaume. Je ne veux pas de ce cadavre. Je ne veux pas qu'on me brûle. Je ne veux pas qu'on m'enterre. Je ne veux pas qu'on me donne aux vautours ni aux fauves. Je veux qu'on me garde dans des bras chauds, dans des bras frais, dans des bras tendres, dans des bras fermes. Il ne sait pas très bien ce qu'il veut. Nous déciderons pour lui. Oh, ne vous évanouissez pas, Marie. Alors, celle-là aussi, c'est toujours pareil. Oh, majesté. Si l'on se souvient de moi, ce sera pour combien de temps? Qu'il se souvienne jusqu'à la fin des temps. Et après la fin des temps, dans 20 000 ans, dans 255 milliards d'années. Plus personne pour personne. Ils oublieront avant. Oh, des égoïstes, tous, tous. Ils ne pensent qu'à leur vie, qu'à leur peau, pas à la mienne. Si toute la terre s'use et fond, cela viendra. Si tous les univers éclatent, ils éclateront, que ce soit demain ou dans des siècles et des siècles, c'est la même chose. Ce qui doit finir est déjà fini. Tout est hier. Même aujourd'hui, c'était hier. Tout est passé. Mon chéri, mon roi, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Dis-le-toi, il y a un présent jusqu'au bout. Tout est présent. Sois présent. Sois présent. Hélas. Je ne suis présent qu'au passé. Mais non. C'est cela. Sois lucide, Béranger. Oui, sois lucide, mon roi, mon chéri. Ne te tourmente plus. Exister, c'est un mot. Mourir est un mot. Des formules, des idées que l'on se fait. Si tu comprends cela, rien ne pourra t'entamer. Saisis-toi. Tiens-toi bien. Ne te perds plus de vue. Plonge dans l'ignorance de toute autre chose. Tu es maintenant. Tu es. Ne sois plus qu'une interrogation infinie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... L'impossibilité de répondre est la réponse même. Elle est ton être même qui éclate, qui se répand. Plonge dans l'étonnement et la stupéfaction sans limite. Ainsi tu peux être sans limite. Ainsi tu peux être infiniment. Sois étonné, sois ébloui. Tout est étrange, indéfinissable. Écarte les barreaux de la prison. Enfonce ces murs, évade-toi des définitions. Tu respireras. Il étouffe. La peur lui bouche l'horizon. Laisse-toi inonder par la joie, par la lumière. Sois étonné, sois ébloui. L'éblouissement pénètre les chairs et les os comme un flot, comme un fleuve de lumière éclatant. Si tu le veux. Il voudrait bien. Souviens-toi, je t'en supplie, de ce matin de juin au bord de la mer. Nous étions ensemble. La joie t'éclairait, te pénétrait. Tu l'as eue, cette joie. Tu disais qu'elle était là, inaltérable, féconde, intarissable. Si tu l'as dit, tu le dis. Cette resplendissante aurore était en toi. Si elle l'était, elle l'est toujours. Retrouve-la, en toi-même, cherche-la. Je comprends pas. Tu ne te comprends plus. Il ne s'est jamais compris. Ressaisis-toi. Comment m'y prendre? On ne peut pas. Ou bien, on ne veut pas m'aider. Moi-même, je ne puis m'aider. Oh, soleil. Aide-moi, soleil. Chasse l'ombre. Empêche la nuit. Soleil. Soleil, éclaire toutes les tombes, entre dans tous les coins sombres, et les trous et les recoins pénètrent en moi. Ah, ah, mes pieds commencent à refroidir. Viens me réchauffer, que tu entres dans mon corps, sous ma peau, dans mes yeux. Rallume leur lumière défaillante, que je vois, que je vois, que je vois. Soleil, soleil, me regretteras-tu, petit soleil? Bon soleil, défends-moi. Dessèche et tue le monde entier s'il faut un petit sacrifice. Que tous meurent pourvu que je vive éternellement. Même tout seul, dans le désert sans frontières, je m'arrangerai avec la solitude. Je garderai le souvenir des autres, je les regretterai sincèrement. Je peux vivre dans l'immensité transparente du vide. Il vaut mieux regretter que d'être regretté. D'ailleurs, on ne l'est pas. Lumière des jours, au secours! Ce n'est pas de cette lumière que vous lui parliez. Ce n'est pas ce désert dans la durée que vous lui recommandiez. Il ne vous a pas comprise. Il ne peut plus, pauvre cerveau. Vaine intervention. Ce n'est pas la bonne voie. Que j'existe, même avec une rage de dents, pendant des siècles et des siècles. Hélas, ce qui doit finir est déjà fini. Alors, sire, qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a que sa tirade qui n'en finit plus. Ces deux femmes qui pleurent, elles l'enlisent davantage, ça le colle, ça l'attache, ça le freine. Non, on ne pleure pas assez autour de moi, on ne me plaint pas assez, on ne s'angoisse pas assez. Qu'on ne les empêche pas de pleurer, de hurler, d'avoir pitié du roi, du jeune roi, du pauvre petit roi, du vieux roi. Moi j'ai pitié quand je pense qu'elles me regretteront, qu'elles ne me verront plus, qu'elles seront abandonnées, qu'elles seront seules. C'est encore moi qui pense aux autres, à tous. Entrez en moi, vous autres, soyez moi, entrez dans ma peau. Je meurs, vous entendez? Je veux dire que je meurs. Je n'arrive pas à le dire. Je fais que de la littérature. Et encore? Ces paroles ne méritent pas d'être consignées, rien de nouveau. Ils sont tous des étrangers. Je croyais qu'ils étaient de ma famille. J'ai peur, je m'enfonce, je m'engloutis. Je ne sais plus rien, je n'ai pas été. Je meurs. C'est cela, la littérature? On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature. Si cela pouvait le soulager. La littérature soulage un peu le roi. Non, non, non, je sais, rien ne me soulage. Elle me remplit, elle me vide. Oh là là là là là là là là là là. Vous tous, innombrables, qui êtes morts avant moi, aidez-moi. Dites-moi comment vous avez fait pour mourir, pour accepter. Apprenez-le-moi. Que votre exemple me console. Que je m'appuie sur vous comme sur des béquilles, comme sur des bras fraternels. Aidez-moi à franchir la porte que vous avez franchie. Revenez de ce côté-ci un instant pour me secourir. Aidez-moi, vous qui avez eu peur et n'avez pas voulu. Comment cela s'est-il passé? Qui vous a soutenu? Qui vous a entraîné? Qui vous a poussé? Avez-vous eu peur jusqu'à la fin? Et vous, qui étiez fort et courageux, vous avez consenti à mourir avec indifférence et sérénité. Apprenez-moi l'indifférence, apprenez-moi la sérénité, apprenez-moi la résignation. Vous les statues, vous les lumineux ou les ténébreux, vous les anciens, vous les ombres, vous les souvenirs. Apprenez-lui la sérénité. Apprenez-lui l'indifférence. Apprenez-lui la résignation. Faites-lui entendre raison. Et qu'il se calme. Vous, les suicidés, apprenez-moi comment il faut faire pour acquérir le dégoût de l'existence. Apprenez-moi la lassitude. Quelle drogue faut-il prendre pour cela? Je peux prescrire des pilules euphoriques, des tranquillisants. Il les vomirait. Vous, les souvenirs. Vous, les vieilles images. Qui n'existaient plus que dans les mémoires. Souvenirs de souvenirs de souvenirs. Ce qu'il doit apprendre, c'est de céder un peu, puis de s'abandonner carrément. Nous vous invoquons. Vous, les brumes. Vous, les rosées. Vous, les fumées. Vous, les nuages. Vous, les saintes. Vous, les sages. Vous, les folles. Aidez-le, puisque je ne peux l'aider. Aidez-le. Vous qui êtes mort dans la joie, qui avez regardé en face, qui avez assisté à votre propre fin. Aidez le roi. Aidez-le, vous tous. Aidez-le, je vous en supplie. Vous, les morts heureux, vous avez vu quel visage près du vôtre, quel sourire vous a détendu et fait sourire. Quelle est la lumière dernière qui vous a éclairé? Aidez-le, vous, les milliards de défunts. Oh, grand rien, aidez le roi. Des milliards de morts, ils multiplient mon angoisse. Je suis leur agonie, ma mort est innombrable. Tant d'univers s'éteignent en moi. La vie est un exil. Je sais, je sais. En somme, majesté, vous retournerez dans votre patrie. Tu iras là où tu étais avant de naître. N'aie pas si peur. Tu dois connaître cet endroit d'une façon obscure, bien sûr. J'aime l'exil. Je me suis expatrié. Je ne veux pas y retourner. Quel était ce monde? Souviens-toi. Fais un effort. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Souviens-toi. Allons, pense. Allons, réfléchis. Pense. Mais pense donc, tu n'as jamais pensé. Il n'y a plus jamais pensé. Autre monde. Monde perdu, monde oublié, monde englouti, remonté à la surface. Autre plaine, autre montagne, autre vallée. Rappelez-lui votre nom. Aucun souvenir de cette patrie. Il ne se souvient pas de sa patrie. Il est trop affaibli, il n'est pas en état. Aucune nostalgie, si ténue, si fugitif soit-elle. Enfonce-toi dans tes souvenirs, plonge dans l'absence de souvenirs, au-delà du souvenir. Il n'a du regret que pour ce monde-ci. Souvenir au-delà du souvenir, apparais-lui, aide-le. Pour le faire plonger, voyez-vous, c'est toute une histoire. Il faudra bien. Sa Majesté n'a jamais été Batiscaf. Dommage, Il n'est pas entraîné. Il faudra bien qu'il apprenne le métier. Quand elle est en danger de mort, la moindre fourmi se débat. Elle est abandonnée, brusquement arrachée à sa collectivité. En elle aussi, tout l'univers s'éteint. Il n'est pas naturel de mourir puisqu'on ne veut pas. Je veux être. Il veut toujours être. Il ne connaît que cela. Il a toujours été. Il faudra qu'il ne regarde plus autour, qu'il ne s'accroche plus aux images. Il faut qu'il rentre en lui et qu'il s'enferme. Ne parle plus, tais-toi. Reste dedans. Ne regarde plus, cela te fera du bien. Je ne veux pas de ce bien. On n'en est pas encore là pour l'instant. Il ne peut pas maintenant. Votre Majesté doit le pousser, bien sûr. Pas trop fort encore. Mais ça ne sera pas facile. Mais nous avons la patience. Nous sommes sûrs du résultat. Docteur, docteur, l'agonie a-t-elle commencé? Non, non, vous vous trompez. Pas encore. Pas encore. Ça n'a pas encore commencé. Je suis ici. Je vois. Il y a ces murs, il y a ces meubles. Il y a de l'air. Je regarde les regards. Les voix me parviennent. Je vis. Je me rends compte. Je vois, j'entends. Je vois. J'entends. Les fanfares. Le roi marche. Vive le roi. Il tombe. Le roi tombe. Le roi meurt. Il se relève. Le roi se relève. Vive le roi. Il se relève. Vive le roi. Le roi est mort. Il se relève. Il est vivant. Vive le roi. Il veut s'asseoir sur son trône. Il règne. Il règne. Et maintenant, c'est le délire. Ne lâche pas. Accroche-toi. Non, Juliette, tout seul. Il peut tout seul. Pourtant, j'ai des jambes. Avance. Il nous reste 32 minutes, 30 secondes. Je me relève. C'est l'avant-dernier sursaut. Je me relève. Tu es essoufflé, tu es fatigué, repose-toi. Tu te relèveras après. Mais ne mens pas, Marie, ça ne l'aide pas. J'aimais la musique de Mozart. Tu l'oublieras. As-tu raccommodé mon pantalon, Juliette? Penses-tu que ce ne soit plus la peine? Il y avait un trou dans mon manteau de pourpre. L'as-tu rapiécé? As-tu recousu les boutons qui manquaient à mon pyjama? As-tu fait ressemeler mes souliers? Je n'y ai plus pensé. Tu n'y as plus pensé. À quoi penses-tu? Parle-moi. Que fait ton mari? Je suis veuve. À quoi penses-tu quand tu fais le ménage? À rien, Majesté. D'où viens-tu? Quelle est ta famille? Cela ne t'a jamais intéressé. Il n'a jamais eu le temps de le lui demander. Cela ne t'intéresse pas vraiment. Il veut gagner du temps. Dis-moi ta vie. Comment vis-tu? Je vis mal, Seigneur. On ne peut pas vivre mal, c'est une contradiction. La vie n'est pas belle. Elle est la vie. En hiver, quand je me lève, il fait encore nuit. Je suis glacée. Moi aussi. Ce n'est pas le même froid. Tu n'aimes pas avoir froid? En été, quand je me lève, il commence à peine à faire jour. La lumière est blême. La lumière est blême. Il y a toutes sortes de lumières. La bleue, la rose, la blanche, la verte. La blême. Je lave le linge de toute la maison au lavoir. J'ai mal aux mains. Ma peau est crevassée. Ça fait du mal. On sent sa peau. On ne t'a pas encore acheté une machine à laver, Marguerite? Pas de machine à laver dans un palais. On a dû la laisser en gage pour un emprunt d'État. Je vide les pots de chambre. Je fais les lits. Elle fait les lits. On y couche, on s'y endort, on s'y réveille. Est-ce que tu t'es aperçu que tu te réveillais tous les jours? Se réveiller tous les jours. On vient au monde tous les matins. Je frotte les parquets. Je balaye, je balaye, je balaye. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. J'en ai mal dans le dos. C'est vrai, elle a un dos. Nous avons un dos. J'ai mal aux reins. Aussi des reins. Depuis qu'il n'y a plus de jardinier, je bêche et je pioche, je sème. Et ça pousse. J'en peux plus de fatigue. Tu aurais dû nous le dire. Je vous l'avais dit. C'est vrai. Tant de choses m'ont échappé. Je n'ai pas tout su, je n'ai pas été partout. Ma vie aurait pu être pleine. Ma chambre n'a pas de fenêtre. Pas de fenêtre. On sort, on cherche la lumière, on la trouve, on lui sourit. Pour sortir, tu tournes la clé dans la serrure, tu ouvres la porte, tu fais de nouveau tourner la clé, tu refermes la porte. Où habites-tu ? Au grenier. Pour descendre, tu prends l'escalier, tu descends une marche, encore une marche, encore une marche, encore une marche, encore une marche, encore une marche. Pour t'habiller, tu avais mis des bas, des souliers. Des souliers éculés. Une robe. C'est extraordinaire. Une robe moche, de 4 sous. Ah, tu ne sais pas ce que tu dis. Que c'est beau, une robe moche. J'ai eu un abcès dans la bouche. On m'a arraché une dent. On souffre beaucoup. La douleur s'atténue, elle disparaît. Quel soulagement. On est très heureux après. Je suis fatiguée. Après, on se repose, c'est bon. Ah, je n'en ai pas le loisir. Tu peux espérer que tu l'auras. Tu marches, tu prends un panier, tu vas faire les courses. Tu dis bonjour à l'épicier. Un bonhomme obèse, il est affreux. Tellement laid qu'il fait fuir les chats et les oiseaux. Comme c'est merveilleux. Tu sors ton porte-monnaie, tu paies en trans la monnaie. Au marché, il y a des aliments de toutes les couleurs. Salade verte, cerise rouge, raisin doré, aubergine violette. Tout l'arc-en-ciel. Extraordinaire, incroyable. Un conte de fées. Ensuite, je rentre. Par le même chemin. 2 fois par jour le même chemin. Le ciel au-dessus. Tu peux le regarder 2 fois par jour. Tu respires, tu ne penses jamais que tu respires. Pense-y. Rappelle-toi. Je suis sûr que tu n'y fais pas attention. C'est un miracle. Et puis je lave la vaisselle de la veille. Les assiettes pleines de gras qui collent. Et puis j'ai la cuisine à faire. Quelle joie. Au contraire, ça m'ennuie. J'en ai assez. Ça t'ennuie. Il y a des êtres qu'on ne comprend pas. C'est beau aussi de s'ennuyer. C'est beau aussi de ne pas s'ennuyer, de se mettre en colère et de ne pas se mettre en colère, et d'être mécontent et d'être content, et de se résigner et de revendiquer. On se gîte et vous parlez, et on vous parle, vous touchez, et on vous touche. Une féerie, tout ça, une fête continuelle. En effet, ça n'arrête pas. Après, je dois encore servir à table. Tu sers à table. Oh, tu sers à table. Et que sers-tu à table? Le repas que j'ai préparé. Et par exemple, quoi? Je sais pas. Le plat du jour. Le pot-au-feu. Le pot-au-feu. Le pot-au-feu. C'est un repas complet. J'aimais tellement le pot-au-feu. Avec des légumes, des pommes de terre, des choux et des carottes qu'on mélange avec du beurre et qu'on écrase avec la fourchette pour en faire de la purée. On pourrait lui en apporter. Qu'on m'en apporte? Non, si ça lui fait plaisir. Mauvais pour sa santé, il est à la diète. Je veux du pot-au-feu. Ce n'est pas recommandé pour la santé des mourants. C'est peut-être son dernier désir. Il faut qu'il s'en détache. Le bouillon, les pommes de terre chaudes, les carottes bien cuites. Il fait encore des jeux de mots. Je n'avais encore jamais remarqué que les carottes étaient si belles. Juliette, va vite tuer les 2 araignées de la chambre à coucher. Je ne veux pas qu'elles me survivent. Non. Non, ne les tue pas. Elles ont peut-être quelque chose de moi. Mort le pot-au-feu. Disparu de l'univers. Il n'y a jamais eu de pot-au-feu. Pot-au-feu défendu sur toute l'étendue du territoire. Enfin, une chose faite. Il y a renoncé. C'est par les désirs les moins importants que l'on doit commencer. Il faut s'y prendre avec beaucoup d'adresse. Oui, on peut commencer maintenant. Doucement, comme pour un pansement qui entoure une plaie à vif. Un pansement dont on soulève d'abord les marges les plus éloignées du cœur de la blessure. Essuie sa sueur, Juliette, il est tout trempé. Non, pas toi, Marie. C'est sa terreur qui s'en va petit à petit par les pores. Voyez-vous, sa température a baissé. Pourtant, il n'a presque plus la chair de poule. Ses cheveux qui s'étaient hérissés se détendent et se couchent. Il n'est pas encore habitué à l'épouvante, non, mais il peut la regarder dedans. C'est pour cela qu'il ose fermer les yeux. Il les rouvrira. Les traits sont encore défaits, mais regardez comme les rides et la vieillesse s'installent sur son visage. Déjà, il les laisse progresser. Il aura encore des secousses. Ça ne vient pas si vite, mais il n'aura plus les coliques de la terreur. Cela aurait été déshonorant. Il aura encore de la terreur pure, sans complications abdominales. On ne peut espérer une mort exemplaire. Toutefois, ce sera à peu près convenable. Il mourra de sa mort, et non plus de sa peur. Il faudra quand même l'aider, Majesté. Il faudra beaucoup l'aider, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au tout dernier souffle. Je l'aiderai. Je le lui ferai sortir. Je le décollerai, je défrai tous les nœuds. Je démêlerai les chevaux embrouillés, je séparerai les grains de cette ivraie têtue énorme qui s'y cramponne. Ce ne sera pas commode. Où a-t-il pu attraper trop de mauvaises herbes? Toutes ces herbes folles. Petit à petit, elles ont poussé avec les années. Tu deviens sage, Majesté? N'es-tu pas plus tranquille? Tant qu'elle n'est pas là, tu es là. Quand elle sera là, tu n'y seras plus. Tu ne la rencontreras pas. Tu ne la verras pas. Les mensonges de la vie, les vieux sophismes, nous les connaissons. Elle a toujours été là, présente, dès le premier jour, dès le germe. Elle est la pousse qui grandit, la fleur qui s'épanouit, le seul fruit. Cela aussi est une vérité première, nous la connaissons aussi. C'est la première vérité, et la dernière, n'est-ce pas, docteur? Les deux choses sont vraies, cela dépend du point de vue. Tu me croyais autrefois. Je meurs. Il a changé de point de vue, il s'est déplacé. S'il faut regarder des deux côtés, regarde aussi du mien. Je meurs, je ne peux pas, je meurs. Oh, je perds mon pouvoir sur lui. Et ton charme et tes charmes ne jouent plus. Le charme de la reine Marie ne joue plus beaucoup sur le roi. Tu m'aimais. Tu m'aimes encore. Je t'aime toujours. Elle ne pense qu'à elle. C'est naturel. Je t'aime toujours, je t'aime encore. Je ne sais plus, cela ne m'aide pas. L'amour est fou. L'amour est fou. Si tu as l'amour fou, si tu aimes insensément, si tu aimes absolument, la mort s'éloigne. Si tu m'aimes moi, si tu aimes tout, la peur se résorbe. L'amour te porte. Tu t'abandonnes. Et la peur t'abandonne. L'univers est entier, tout ressuscite. Le vide se fait plein. Je suis plein, mais de trous. On me ronge. Les trous s'élargissent. Ils n'ont pas de fond. J'ai le vertige quand je me penche sur mes propres trous. Je finis. Ce n'est pas fini. Les autres aimeront pour toi. Les autres verront le ciel pour toi. Je me meurs. Entre dans les autres. Sois les autres. Il y aura toujours cela. Cela. Quoi, cela? Tout cela qui est. Cela ne périt pas. Il y a encore. Il y a encore. Il y a encore si peu. Les générations jeunes agrandissent l'univers. Je meurs. Les constellations sont conquises. Je meurs. Les téméraires enfoncent les portes des cieux. Qu'ils les défoncent. Ils sont aussi en train de fabriquer les élixirs de l'immortalité. Incapables. Pourquoi ne les as-tu pas inventés toi-même avant? De nouveaux astres sont sur le point d'apparaître. Je rage. Ce sont des étoiles toutes neuves. des étoiles vierges. Elles se flétriront. D'ailleurs, cela m'est égal. Ni les anciennes, ni les nouvelles constellations n'intéressent plus Sa Majesté, le roi Béranger. Une science nouvelle se constitue. Je meurs. Une autre sagesse remplace l'ancienne. Une plus grande folie, une plus grande ignorance, tout à fait différente et tout à fait pareille. Que cela te console, que cela te réjouisse. J'ai peur, je meurs. Tu as préparé tout cela. Sans le faire exprès. Tu as été une étape, un élément, un précurseur. Tu es de toutes les constructions. Tu comptes, tu seras compté. Je ne serai pas le comptable, je meurs. Tout ce qui a été sera, tout ce qui sera est, tout ce qui sera a été. Tu es inscrit à jamais dans les registres universels. Qui consultera les archives? Je meurs, que tout meure. Non, non, que tout reste. Non, que tout meure, puisque ma mort ne peut remplir les mondes. Que tout meure. Non, que tout reste. Sa Majesté le Roi veut que tout le reste reste. Non, que tout meure. Sa Majesté le Roi veut que tout meure. Que tout meure avec moi. Non, que tout reste après moi. Non, que tout meure. Non, que tout reste. Non, que tout meure. Non, que tout reste. Il ne sait pas ce qu'il veut. Je crois qu'il ne sait plus ce qu'il veut. Il ne sait plus ce qu'il veut. Son cerveau dégénère, c'est la sénilité, le gratisme. Sa Majesté devient... Imbécile, tais-toi! Ne donne plus de bulletin de santé pour la presse. Ça ferait rire ceux qui peuvent encore rire et entendre. Ça réjouit les autres, ils surprennent tes paroles par la télégraphie. Bulletin de santé suspendu. D'ordre de Sa Majesté, la reine Marguerite. Mon roi. Mon petit roi. Quand j'avais des cauchemars, et que je pleurais en dormant, tu me réveillais. Tu m'embrassais, tu me calmais. Oui, elle ne peut plus le faire. Quand j'avais des insomnies et que je quittais la chambre, tu te réveillais aussi. Tu venais me chercher dans la salle du trône, dans ta robe de nuit rose avec des fleurs. Et tu me ramenais me coucher en me prenant par la main. Avec mon mari, c'était pareil. Je partageais avec toi mon rhume, ma grippe. Et tu n'auras plus de rhume. On ouvrait les yeux en même temps, le matin. Je les fermerais tout seul, ou chacun de son côté. Nous pensions aux mêmes choses en même temps. Tu terminais la phrase que j'avais commencée dans ma tête. Je t'appelais pour que tu frottes mon dos quand je prenais mon bain. Tu choisissais mes cravates, je ne les aimais pas toujours. Nous avions des conflits à ce sujet. Personne ne l'a su, personne ne le saura. Ce n'était pas très important. Quel petit bourgeois. Vraiment, cela ne doit pas se savoir. Tu n'aimais pas que je sois décoiffée, Marie. Tu me peignais. C'est attendrissant, tout cela. Tu ne seras plus dépeignée. C'est tout de même bien triste. Tu essuyais ma couronne. Tu en frottais les perles pour les faire briller. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Je t'aime toujours. M'aimes-tu encore? Il m'aime encore. M'aimes-tu en ce moment? Je suis là, ici. Je suis... Regarde. Regarde. Vois-moi bien. Vois-moi un peu. Je m'aime toujours. Malgré tout, je m'aime. Je me sens encore. Je me vois, je me regarde. Assez! Ne regarde plus derrière, on te le recommande. Ou alors dépêche-toi. Tout à l'heure, on te l'ordonnera. Tu ne peux plus lui faire que du tort, Marie, je te l'avais dit. Il se met en retard, il retourne. Non, ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas, monsieur le docteur. Monsieur le bourreau. Ses retours, ses tours, ses détours, c'était prévu. C'est dans le programme. Avec une bonne crise cardiaque, nous n'aurions pas eu tant d'histoires. Crise cardiaque, c'est pour les hommes d'affaires. Ou bien une double pneumonie. C'est pour les pauvres, pas pour les rois. Je pourrais décider de ne pas mourir. Vous voyez, il n'est pas guéri. Si je décidais de ne pas vouloir... Si je décidais de ne pas me décider... Nous pouvons te décider. La reine et le docteur peuvent obliger le roi à se décider. C'est notre devoir. Qui peut vous donner la permission de toucher au roi, à part le roi? La force nous le donne. La force des choses. le suprême décret, les consignes. C'est nous maintenant qui sommes le commandement et les consignes. Majesté, mon commandant, c'est lui qui avait inventé la poudre. Il a volé le feu aux dieux, puis il a mis le feu aux poudres. Tout a failli sauter. Il a tout retenu dans ses mains, il a tout reficelé. Je l'aidais, c'était pas commode. Il n'était pas commode. Il a installé les premières forges sur la terre, il a inventé la fabrication de l'acier. Il travaillait 18 heures sur 24. Nous autres, il nous faisait travailler davantage encore. Il était ingénieur en chef. Monsieur l'ingénieur a fait le premier ballon, puis le ballon dirigeable. Enfin, il a construit de ses mains le premier aéroplane. Cela n'a pas réussi tout de suite. Les premiers pilotes d'essai, Icare et tant d'autres, sont tombés dans la mer. Jusqu'au moment où il a décidé de piloter lui-même. J'étais son mécanicien. Bien avant encore, quand il était petit dauphin, il avait inventé la brouette. Je jouais avec lui. Puis les rails, le chemin de fer, l'automobile. Il a fait les plans de la tour Eiffel. Sans compter les faucilles, les charrues, les moissonneuses, les tracteurs. N'est-ce pas, monsieur le mécanicien? Vous vous en souvenez? Les tracteurs, oh, tiens, j'avais oublié. Il a éteint les volcans. Il en a fait surgir d'autres. Il a bâti Rome, New York, Moscou, Genève. Il a fondé Paris. Il a fait les révolutions, les contre-révolutions, la religion, la réforme, la contre-réforme. On ne le dirait pas, le voir. Il a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Et qu'est-ce qu'une auto? Ça roule tout seul. Et en même temps, monsieur l'historien a fait les meilleurs commentaires sur Homère et l'époque homérique. Dans ce cas, vraiment, c'était lui le plus qualifié. J'ai fait tout cela. Est-ce vrai? Il a écrit des tragédies, des comédies, sous le pseudonyme de Shakespeare. C'était donc lui, Shakespeare? Vous auriez dû nous le dire depuis le temps qu'on se casse la tête pour savoir qui c'était. C'était un secret. Il m'avait défendu. Il a inventé le téléphone, le télégraphe. Il les a installés lui-même. Il faisait toutes ses mains. Il ne savait plus rien faire de ses mains. Pour la moindre réparation, il appelait le plombier. Mon commandant, vous étiez si adroit. Il ne sait plus se chausser. Se déchausser. Oh, il n'y a pas longtemps, il a inventé la fission de l'atome. Il ne sait plus allumer ni éteindre une lampe. Majesté, mon commandant, maître, monsieur le directeur. Nous connaissons tous ses mérites passés. N'en fais plus l'inventaire. Qu'est-ce qu'un cheval? Voici des fenêtres. Voici des murs. Voici un plancher. Il reconnaît les murs. J'ai des choses. Qu'est-ce qu'on dit que j'ai fait? Je sais plus ce que j'ai fait. J'oublie. Voici un trône. Tu te souviens de moi? Je suis là. Je suis là. Je suis là. J'existe. Il ne se souvient même plus d'un cheval. Je me souviens d'un petit chat tout roux. Il se souvient d'un chat. J'avais un petit chat tout roux. On l'appelait le chat juif. Je l'avais trouvé dans un champ, volé à sa mère, un vrai sauvage. Et il avait 15 jours, peut-être plus. Il savait déjà griffer et mordre. Il était féroce. Je lui ai donné à manger, je l'ai caressé, je l'ai emmené. Il était devenu le chat le plus doux. Une fois, il s'est caché dans la manche du manteau d'une visiteuse, madame. C'était l'être le plus poli. Une politesse naturelle. Un prince. Il venait nous saluer, les yeux tout engourdis quand on rentrait au milieu de la nuit. Il allait se recoucher en titubant. Le matin, il nous réveillait pour se coucher dans notre lit. Un jour, on a fermé la porte. Il a essayé de l'ouvrir. Il l'a poussé avec le derrière. Il s'est fâché. Il a fait un beau tapage. Il a boudé une semaine. Il avait très peur de l'aspirateur. C'était un chat poltron. un désarmé, un chat poète. On lui a acheté une souris mécanique. Il s'est mis à la renifler d'un air inquiet. Et quand on a tourné la clé et que la souris s'est mise à marcher, il a craché. Il s'est enfui. Il s'est blotti sous l'armoire. Quand il a grandi, des chattes rôdaient autour de la maison. Il faisait la cour, la plaie. Cela l'affolait et il ne bougeait pas. On a voulu lui faire connaître le monde. Nous l'avons mis sur le trottoir, près de la fenêtre. Il était atterré. Des pigeons l'entouraient, il avait peur des pigeons. Il m'a appelé avec désespoir, gémissant, tout collé contre le mur. Les animaux, les autres chats, étaient pour lui des créatures étranges dont il se méfiait, ou des ennemis qu'il craignait. Et il ne se sentait bien qu'avec nous. Nous étions sa famille. Il n'avait pas peur des hommes. Il sautait sur leurs épaules sans les avertir, leur léchait les cheveux. Il croyait que nous étions des chats et que les chats étaient autre chose. Un beau jour, tout de même, il a dû se dire qu'il devait sortir. Le gros chien des voisins l'a tué. Il était comme une poupée chat, une poupée pantelante, l'œil crevé, une patte arrachée, oui. Oui, comme une poupée abîmée par un enfant sadique. Tu n'aurais pas dû laisser la porte ouverte, Marguerite, je t'avais averti. Je détestais cette bête sentimentale et froussarde. Ce que j'ai pu le regretter, il était bon, il était beau, il était sage. Toutes les qualités. Il m'aimait. Mon pauvre chat. Mon seul chat. Je vous dis qu'il retarde. J'y veille. Il est dans les délais réglementaires. Je vous dis que c'était prévu. Je rêvais de lui. Il était dans la cheminée, couché sur la braise. Marie s'étonnait qu'il ne brûlât pas. J'ai répondu... Les chats ne brûlent pas, ils sont ignifugés. Il est sorti de la cheminée en miaulant. Il s'en dégageait une fumée épaisse. Ce n'était plus lui. Quelle métamorphose! C'était un autre chat, laid, gros. Une énorme chatte, comme sa mère, la chatte sauvage. Il ressemblait à Marguerite. C'est malheureux tout de même. C'est bien dommage. C'était un si bon roi. Il n'était pas commode. Assez méchant, rancunier, cruel. Vaniteux. Il y en avait de plus méchants. Il était doux. Il était tendre. Nous l'aimions bien. Vous vous en plaigniez pourtant tous les deux. On oublie ça. J'ai dû intervenir plusieurs fois pour vous auprès de lui. Il n'écoutait que la reine Marie. Il était dur, il était sévère, sans être juste pour autant. On le voyait si peu. On le voyait quand même. On le voyait souvent. Il était fort. Il faisait couper des têtes, c'est vrai. Pas tellement. C'était pour le salut public. Résultat, nous sommes entourés d'ennemis. Vous entendez comme ça dégringole. Nous n'avons plus de frontières. Un trou qui grandit nous sépare des pays voisins. Cela vaut mieux. Ils ne peuvent plus nous envahir. L'abîme grandit. Au-dessous, il y a le trou. Au-dessus, il y a le trou. Nous nous maintenons à la surface. Pour très peu de temps. Il vaut mieux périr avec lui. Nous ne sommes plus qu'une surface. Nous ne serons plus que l'abîme. Tout cela, c'est bien sa faute. Il n'a rien voulu laisser après lui. Il n'a pas pensé à ses successeurs. Après lui, le déluge. Pire que le déluge. Après lui, rien. Un ingrat, un égoïste. Des Mortuinil, Nisi Bene. Il était le roi d'un grand royaume. Il en était le centre. Il en était le cœur. Il en était la résidence. Le royaume s'étendait tout autour. Très loin, très loin. On n'en voyait pas les bords. Illimité dans l'espace. Mais limité dans la durée. À la fois infini et éphémère. Il en était le prince, le premier sujet. Il en était le père, il en était le fils. Il en fut couronné roi au moment même de sa naissance. Ils ont grandi ensemble, son royaume et lui. Ils disparaissent ensemble. Il était le roi, maître de tous les univers. Un maître contestable. Il ne le connaissait pas, son royaume. Il le connaissait mal. C'était trop étendu. La terre s'effondre avec lui. Les astres s'évanouissent. L'eau disparaît. Le feu, l'air, un univers, les univers. Dans quel garde-meuble, dans quelle cave, dans quelle chambre de débarras, dans quel grenier pourra-t-on caser tout cela? Il en faut de la place. Quand les rois meurent, ils s'accrochent aux murs, aux arbres, aux fontaines, à la lune. Ils s'accrochent. Et ça se décroche. Cela fond, cela s'évapore. Il n'en reste pas une goutte, pas une poussière, pas une ombre. Il emporte tout cela dans son gouffre. Il avait bien organisé son univers. Il n'en était pas tout à fait maître. Il le serait devenu. Il meurt trop tôt. Il avait réparti l'année en 4 saisons. Il s'était tout de même bien arrangé. Il avait imaginé les arbres, les fleurs, les odeurs, les couleurs. Un monde à la mesure du roi. Il avait inventé les océans et les montagnes. Près de 5 000 mètres, le Mont Blanc. Plus de 8 000, l'Himalaya. Les feuilles tombaient des arbres, elles repoussaient. C'était astucieux. Dès le premier jour de sa naissance, il avait créé le soleil. Et ça ne suffisait pas. Il faisait faire aussi du feu. Il y a eu les étendues sans limite. Il y a eu les étoiles, il y a eu le ciel. Il y a eu des océans et des montagnes, il y a eu des plaines, il y a eu des cités, il y a eu des gens, il y a eu des visages, il y a eu des édifices, il y a eu des chambres, il y a eu des lits, il y a eu de la lumière, il y a eu de la nuit, il y a eu des guerres, il y a eu la paix. Il y a eu un trône. Il y a eu sa main. Il y a eu un regard. Il y a eu la respiration. Il respire toujours. Il respire encore puisque je suis là. Respire-t-il encore? Oui, Majesté, il respire encore puisque nous sommes là. Oui, c'est évident. Il respire encore. Les reins ne fonctionnent plus, mais le sang circule. Il circule comme ça. Il a le cœur solide. Il faudra qu'il en vienne à bout. À quoi bon un cœur qui bat sans raison? En effet. Un cœur fou. Vous entendez? Ça part. Ça va très vite. Ça ralentit. Ça part de nouveau à toute allure. Mon Dieu, tout va s'écrouler. Un cœur fou. Un cœur de fou. Un cœur en panique. Il la communique à tout le monde. Cela va se calmer bientôt. Nous connaissons toutes les phases. C'est toujours ainsi lorsqu'un univers s'anéantit. C'est bien la preuve que son univers n'est pas unique. Ne s'en doutait pas. Il m'oublie. En ce moment, il est en train de m'oublier. Je le sens, il m'abandonne. Je ne suis plus rien s'il m'oblige. Je ne peux plus vivre si je ne suis pas dans son cœur affolé. Tiens bon. Tiens bon. Serre tes mains de toutes tes forces, ne me lâche pas. Il n'a plus de force. Cramponne-toi, ne me lâche pas. C'est moi qui te fais vivre. Je te fais vivre, tu me fais vivre. Comprends-tu? Comprends-tu? Si tu m'oublies, si tu m'abandonnes, je ne peux plus exister, je ne suis plus rien. Il sera une page dans un livre de 10 000 pages que l'on mettra dans une bibliothèque qui aura 1 million de livres. Une bibliothèque parmi 1 million de bibliothèques. Pour retrouver cette page, ce ne sera pas commode. Mais si... Ça se retrouvera dans le catalogue, par ordre alphabétique et par ordre des matières, jusqu'au jour où le papier sera réduit en poussière. Et encore, cela brûlera certainement avant. Il y a toujours des incendies dans les bibliothèques. Il serre les poings. De nouveau, il s'accroche. Il résiste. Il revient à lui. Il revient à moi. Votre voix le réveille. Il a les yeux ouverts. Il vous regarde. Oui. Son cœur accroche encore. Dans quel état pour un agonisant? Dans une haie d'épines. Il est dans une haie d'épines. Comment le tirer de là? Tu es enlisé dans la boue. Tu es pris dans les ronces. Quand il s'en détachera, tes souliers resteront. Tiens-moi bien, je te tiens. Regarde-moi. Je te regarde. Elle t'embrouille. Ne pense plus à elle, tu seras soulagé. Renoncez, Majesté. Abdiquez, Majesté. Abdiquez donc, puisqu'il le faut. J'entends. Je vois. Qui es-tu? Es-tu ma mère? Es-tu ma sœur? Es-tu ma femme? Es-tu ma fille? Es-tu ma nièce? Es-tu ma cousine? Je te connais. Je te connais pourtant. Oh, toi, odieuse femme, oh, laideur, pourquoi restes-tu près de moi? Pourquoi te penches-tu sur moi? Va-t'en, va-t'en. Ne la regarde pas. Tourne tes regards vers moi. Tiens les yeux bien ouverts. Espère, je suis là. Rappelle-toi. Je suis Marie. Marie? Si tu ne te souviens plus, regarde-moi. Apprends de nouveau que je suis Marie. Apprends mes yeux, apprends mon visage, apprends mes cheveux, apprends mes bras. Vous lui faites de la peine, il ne peut plus apprendre. Si je ne peux pas te retenir, tourne-toi quand même vers moi. Je suis là. Garde mon image. Emporte-la. Il ne pourrait pas la traîner. Il n'a pas assez de force. C'est trop lourd pour une ombre. Il ne faut pas que son ombre soit écorchée par les ombres. Il s'écroulerait sous le poids. Son ombre saignerait, il ne pourrait plus avancer. Il faut qu'il soit léger. Débarrasse-toi. Allège-toi. Il doit commencer à lâcher du lest. Débarrassez-vous, Majesté. Marie? Tu vois, il ne comprend plus ton nom. Il ne comprend plus votre nom. Le roi ne comprend plus le nom de Marie. Marie. Il le prononce. Il le répète sans comprendre. Comme un perroquet. Ce sont des syllabes mortes. Je ne te connais pas. Je ne t'aime pas. Il sait ce que veut dire ne pas connaître. C'est avec mon image qu'il partira. Elle ne l'encombrera pas. Elle le quittera quand il faudra. Il y a un dispositif qui lui permettra de se détacher toute seule. En appuyant sur le déclic, cela se commande à distance. Vois mieux. Il ne vous voit pas. Il ne te voit plus. Il y a encore... Ne voit plus ce qu'il y a. Il ne voit plus. En effet, il ne voit plus. Il ne voit plus. Le médecin l'a constaté officiellement. Sa Majesté est officiellement aveugle. Il regardera dedans. Il verra mieux. Je vois les choses. Je vois les visages et... les villes et les forêts, je vois l'espace, je vois le temps. Vois plus loin? Je ne peux pas plus loin. L'horizon l'entoure et l'enferme. Lance ton regard au-delà de ce que tu vois, derrière la route, à travers la montagne, par-delà la forêt que tu n'as jamais défrichée. L'océan, je ne peux pas aller plus loin, je ne sais pas nager. L'absence d'exercice. Ce n'est que la façade. Va plus au fond des choses. J'ai un miroir dans mes entrailles. Tout se reflète. Je vois de mieux en mieux. Je vois le monde. Je vois la vie qui s'en va. Va au-delà des reflets. Je me vois. Derrière toute chose, je suis. Plus que moi, partout. Je suis la terre, je suis le ciel, je suis le vent, je suis le feu. Suis-je dans tous les miroirs ou bien suis-je le miroir de tout? Il s'aime trop. Maladie psychique bien connue. Narcissisme. Viens. Approche. Il n'y a pas de chemin. Il entend. Il tourne la tête quand on parle. Il prête l'oreille. Il tend un bras. Il tend l'autre. Que veut-il saisir? Il cherche un appui. Où sont les parois? Où sont les bras? Où sont les portes? Où sont les fenêtres? Les murs sont là, Majesté. Nous sommes tous là. Voici un bras. Le mur est là. Le sceptre. Le voici. Garde, où es-tu? Réponds. Mais, toujours à vos ordres, Majesté. Toujours à vos ordres. Mais oui, je suis là. Mais oui, je suis là. Vos appartements sont de ce côté-ci, Majesté. On ne vous abandonnera pas, Majesté. Je vous le jure. Nous sommes là, près de vous. Nous resterons là. Garde. Juliette, répondez. Je ne vous entends plus, docteur. Docteur, suis-je devenu sourd? Non, Majesté, pas encore. Docteur. Excusez-moi, Majesté, je dois partir. Je suis bien obligé. Je suis navré. Je m'excuse. Sa voix s'éloigne. Le bruit de ses pas faiblit. Il n'est plus là. Il est médecin. Il a des obligations professionnelles. Où sont les autres? Ils sont partis. Ils m'ont enfermé. Ils t'encombraient, tous ces gens. Ils t'empêchaient d'aller, de venir. Ils se suspendaient à toi. Ils se fourraient dans tes pattes. Admets-le, ils te gênaient. Maintenant, ça ira mieux. Il te reste un quart d'heure. J'avais besoin de leur service. Je les remplace. Je suis la reine à tout faire. Je n'ai donné aucun congé. Fais-les revenir, appelle-les. Ils ont décroché. C'est que tu l'as voulu. Je n'ai pas voulu. Ils n'auraient pas pu s'en aller si tu ne l'avais pas voulu. Tu ne peux plus revenir sur ta volonté. Tu les as laissés tomber. Qu'ils reviennent. Tu ne sais plus leur nom. Comment s'appelait-il? Combien était-il? Qui donc? Je n'aime pas qu'on m'enferme. Ouvrez les portes. Patiente un peu. Tout à l'heure, les portes seront grandes ouvertes. Les portes. Les portes. Quelles portes? Y a-t-il eu des portes? Y a-t-il eu un monde? As-tu vécu? Je suis. Ne bouge pas. Cela te fatigue. Je suis. Des bruits, des échos émergent des profondeurs. Cela s'éloigne, cela se calme. Je suis sourd. Moi, tu m'entendras. Tu m'entendras mieux. Il arrive que l'on fasse un rêve. On s'y prend, on y croit, on l'aime. Le matin, en ouvrant les yeux, deux mondes s'entremêlent encore. Les visages de la nuit s'estompent dans la clarté. On voudrait se souvenir, on voudrait les retenir. Ils glissent entre vos mains. La réalité brutale du jour les rejette. De quoi ai-je rêvé, se dit-on? Que se passait-il? Qui embrassais-je? Qui aimais-je? Qu'est-ce que je disais et que me disait-on? On se retrouve avec le regret imprécis de toutes ces choses qui furent ou qui semblaient avoir été. On ne sait plus ce qu'il y avait eu autour de soi. On ne sait plus. Je ne sais plus ce qu'il y avait autour. Je sais que j'étais plongé dans un monde. Ce monde m'entourait. Je sais que c'était moi et... Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Des cordes encore tant lasses que je n'ai pas dénouées ou que je n'ai pas coupées. Des mains s'accrochent encore à toi et te retiennent. Moi. Non, ce toi n'est pas toi. Ce sont des objets étrangers, des adhérences, des parasites monstrueux. Le gui poussant sur la branche n'est pas la branche. Le lierre qui grimpe sur le mur n'est pas le mur. Tu ploies sous le fardeau, tes épaules sont courbées. C'est cela qui te vieillit. Et ces boulets que tu traînes, c'est cela qui entrave ta marche. Oh, des tonnes, ça pèse, des tonnes. Ouf. Comment as-tu pu traîner cela toute une vie? Je me demandais pourquoi tu étais voûté. C'est à cause de ce sac. Et de cette besace, là. Et de ces godasses de rechange. Oh, du non. Calme. Tu n'en auras plus besoin de ces chaussures de rechange. Ni de cette carabine. Bon, ni de cette mitraillette, là. Ni de cette boîte à outils. Ni de ce sabre. Il a l'air d'y tenir. Un vieux sabre tout rouillé. Alors, laisse-moi donc faire, sois sage. Tu n'as plus besoin de te défendre. On ne te veut plus que du bien. Des épines sur ton manteau. Mais des écailles, des lianes, des algues. Des feuilles humides et gluantes, elles collent. Elles collent. Ah, oh, je les décolle, je les détache. Elles font des taches. Ce n'est pas net. Le rêveur se retire de son rêve. Voilà, je t'ai débarrassé de ces petites misères, de ces petites saletés. Ton manteau est plus beau maintenant, tu es plus propre. Ça te va mieux. Maintenant, marche. Donne-moi la main, donne-moi donc la main. N'aie plus peur. Laisse-toi glisser. Je te retiendrai. Tu n'oses pas? Moi? Mais non! Il s'imagine qu'il est tout. Il croit que son être est tout l'être. Il faut lui faire sortir cela de la tête. Tout sera gardé dans une mémoire sans souvenir. Le grain de sel qui fond dans l'eau ne disparaît pas puisqu'il rend l'eau salée. Hein? Voilà. Tu te redresses. Tu n'es plus voûté. Tu n'as plus mal aux reins, plus de courbatures. N'est-ce pas que c'était pesant? Guéri. Tu es guéri. Tu peux avancer, avance. Allons, allons. Donne-moi la main. Donne. Ne courbe plus les épaules puisque tu n'as plus de fardeau. Ah, ces réflexes conditionnés, cette tenace. Il n'y a plus de fardeau sur tes épaules, je te l'ai dit. Redresse-toi. Ah, la main, la main. Oh, qu'il est désobéissant. Mais ne tiens pas le poing serré. Écarte les doigts. Que tiens-tu? C'est tout son royaume qu'il tient dans la main. En tout petit. Des microfilms. Des graines. Ces graines ne repousseront pas. La semence est altérée. C'est de la mauvaise graine. Laisse tomber. Défais tes doigts. Je t'ordonne de desserrer les doigts. Lâche les plaines. Lâche les montagnes. Comme ceci. Ce n'était plus que de la poussière. Viens. Viens, viens. Oh, de la résistance encore. Mais où peut-il en trouver? Non. N'essaie pas de te coucher. Ne t'assois pas non plus. Oh, aucune raison de trébucher. Je te guide. N'aie pas peur. N'est-ce pas que tu peux? N'est-ce pas que c'est facile? J'ai aménagé une pente douce. Plus tard, elle sera plus dure. Ça ne fait rien, tu auras repris des forces. Ne tourne pas la tête pour regarder ce que tu ne pourras plus jamais voir. Concentre-toi. Penche-toi sur ton cœur. Entre. Entre. Il le faut. L'Empire. A-t-on jamais connu un tel empire, deux soleils, deux lunes, deux voûtes célestes l'éclairent. Un autre soleil se lève, un autre encore. Un troisième firmament surgit, jaillit, se déploie. Tandis qu'un soleil se couche, d'autres se lèvent. À la fois l'aube et le crépuscule. C'est un domaine qui s'étend par-delà les réservoirs des océans. Par-delà les océans qui engloutissent les océans. Traverse-les. Au-delà des 777 pôles. Plus loin. Plus loin. Trotte. Allons, trotte. Bleu. Bleu. Il perçoit encore les couleurs. Des souvenirs colorés. Ce n'est pas une nature auditive. Son imagination est purement visuelle. C'est un peintre, trop artisan de la monochromie. Renonce aussi à cet empire. Renonce aussi aux couleurs. Cela t'égare encore. Cela te retarde. Tu ne peux plus t'attarder. Tu ne peux plus t'arrêter. Tu ne dois pas. Allez, marche. Marche tout seul. N'aie pas peur. Vas-y. Ce n'est plus le jour. Ce n'est plus la nuit, il n'y a plus le jour, il n'y a plus de nuit. Laisse-toi diriger par cette roue qui tourne devant toi. Ne la perds pas de vue. Suis-la, pas de trop près. Elle est embrasée, tu pourrais te brûler. Avance. J'écarte les broussailles. Attention, ne heurte pas cette ombre qui est à ta droite. Main gluante. Mains implorantes, bras et mains pitoyables. Ne revenez pas, retirez-vous. Ne le touchez pas ou je vous frappe. Ne tourne pas la tête. Évite le précipice à ta gauche. Ne crains pas ce vieux loup qui hurle. Ses crocs sont en carton. Il n'existe pas. Loup n'existe plus. Ne crains pas non plus les rats. Ils ne peuvent pas mordre tes orteils. Rats et vipères n'existaient plus. Ne te laisse pas apitoyer par le mendiant qui te tend la main. Attention à la vieille femme qui vient vers toi. Ne prends pas le verre d'eau qu'elle te tend. Tu n'as pas soif. Il n'a pas besoin d'être désaltéré, bonne femme. Il n'a pas soif. N'encombrez pas son chemin. Évanouissez-vous. Escalade la barrière. Le gros camion ne t'écrasera pas. C'est un mirage. Tu peux passer. Passe. Mais non, les pâquerettes ne chantent pas, même si elles sont folles. J'absorbe leur voix. Elles, je les efface. Ne prête pas l'oreille au murmure du ruisseau. Objectivement, on ne l'entend pas. C'est aussi un faux ruisseau. C'est une fausse voix. Fausse voix, taisez-vous. Plus personne ne t'appelle. Sens une dernière fois cette fleur et jette-la. Oublie son odeur. Tu n'as plus la parole. À qui pourrais-tu parler? Oui, c'est cela. Lève le pas. L'autre. Voici la passerelle. Ne crains pas le vertige. Tiens-toi tout droit. Tu n'as pas besoin de ton gourdin. D'ailleurs, tu n'en as pas. Ne te baisse pas, surtout. Ne tombe pas. Monte. Monte. Plus haut. Encore plus haut. Monte. Encore plus haut. Encore plus haut. Encore plus haut. Tourne-toi vers moi. Regarde-moi. Regarde à travers moi. Regarde ce miroir sans image. Reste droit. Donne-moi tes jambes. La droite. La gauche. Donne-moi un doigt. Donne-moi deux doigts. Trois, quatre, cinq, les 10 doigts. Abandonne-moi le bras droit, le bras gauche, la poitrine, les deux épaules et le ventre. Et voilà. Tu vois? Tu n'as plus la parole. Ton cœur n'a plus besoin de battre. Plus la peine de respirer. C'était une agitation bien inutile, n'est-ce pas? D'entendre Le roi se meurt d'Eugène Ionesco avec Christian Allers, le roi, Moni Dalmès, la reine Marguerite, Anne Doat, la reine Marie, Hubert de Laparent, le médecin, Florence Blot, la domestique et Pierre Ferval, le garde. Bruitage Louis Matabon. Chef opérateur du son Paul Granger. Collaboration technique Jacqueline Rieux. Assistante, Marie-Rose Desrouets. C'était une émission du Théâtre Populaire, juin 44. Production, Maurice Bertrand. Réalisation, Evelyne Frémy.